Je me demande si les objectifs sont atteints ou si l'on est banané en fonction d'un thème, oui ou non pas zané. Victime de regards, laissant prévoir des jugements peu cléments à mon égard. Rejeté de peu respecté dans certains endroits, ici tout le monde n'a pas les mêmes droits. Malgré des efforts pour avoir une bonne attitude, habitude de voir des comportements, des réflexions bizarres de la part de gens ne connaissant pas mes aptitudes. Pas besoin de faire d'études pour constater qu'en Occident, si t'es bronzé, ta vie ne sera que plus rude. Me concernant, j'ai un prénom local, je suis né ici. Mon cœur, lui, va pour l'Italie, même si j'ai choisi une autre religion, d'un pays où les préjugés sont légion. Français d'origine, vu ma couleur, aucun problème d'intégration religion nationale. Tout pour avoir des diplômes, mais j'ai rempli mon contrat avec l'éducation nationale. Pas pour autant idiot, je préfère choisir une autre voie pour que toute ma vie je puisse faire un boulot qui. Qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie? Tu crois qu'on fait ce qu'on a envie ou quoi? De toute façon t'es comme les autres, hein. Ils peuvent t'effacer du jour au lendemain. On est rien. Je sais, j'observe la fleur de notre fusil fané. On va quand même pas se laisser abattre. Ton grand-père, mon grand-père ont combattu pour qu'on vive bien. Il y en a d'autres qui combattent. Aujourd'hui, je suis fier, je pense en faire partie. J'espère voir un jour le bout du tunnel. Mais tous les jours, de nouveaux problèmes se rajoutent dans notre truelle. Mais dites-moi, on est libre égaux en quoi, hein? Ma peau a des pouvoirs que je ne lui ai jamais donné. Elle influence des personnes à son seul regard. C'est là que je parais étonné. De plus, tu devrais se méfier. La plupart des assassins sont des blancs bien intégrés, non des basanés. Le problème, c'est qu'en France, l'apparence détient la vie d'une personne dans ses mains. On n'a plus rien à perdre. Beaucoup ont le dos cassé et ont du mal à se tenir debout. Beaucoup se sont privés et ont du mal à jouer entre les deux bouts. Victime de préjugés, copains imprises dans un pays qui a vécu le nazisme. Beaucoup ont le dos cassé et ont du mal à se tenir debout. Beaucoup se sont privés. Ayant du mal à joindre les deux bouts. Victime de préjugés comme par simplice. Dans un pays qui a vécu le nazisme. Stressé quand je vois que rien ne peut avancer. À ces moments il faut en vouloir. Ma liaison avec la France remonte à mes ascendances. Mon arrière-grand-père lui aussi a connu le racisme. Et pourtant, il était avec les Français dans des troupes qui combattaient le nazisme. Déjà à ce moment traité de macaroni, certains jaloux le renient. Pourtant c'est bien lui qui est en première ligne sur le front pour défendre leur pays. D'ailleurs il va y laisser sa vie. Mon grand-père lui aussi a connu le racisme. À son époque les Italiens avaient une réputation de bandits comme les Arabes aujourd'hui. Ma famille a appris la langue, pas de vagues ni de réponses aux mauvaises langues. Elle s'est intégrée de son plein gré. Certains diront que l'on n'a pas forcé les immigrés à venir. Mais s'il n'était pas venu, la France aurait un tout autre avenir. Mon arrière-grand-père décéda pour leur pays. Certains de mes proches le reconstruit. Mon grand-père lui a passé 38 ans à la mairie. Et après tout ça, on vient demander son extrait de naissance pour voir s'il est bien d'ici. Beaucoup ont le dos cassé et ont du mal à se tenir debout. Beaucoup se sont privés et ont du mal à joindre les deux bouts. Victime de préjugés qu'on passe imprise dans un pays qui a vécu le nazisme. À ces moments il faut en vouloir. Stressé quand je vois que rien ne veut avancer. Ma famille aura toujours une étiquette, une dette. Tout ce qui a été fait jeté aux oubliettes, effacé des disquettes. Pas traité comme des humains, avec un minimum de reconnaissance. C'est un effort surhumain pour ce pays qu'est la France. La seule chose accordée aura été le nom et le prénom de mon arrière-grand-père gravé sur une plaque de marbre à l'entrée d'un cimetière. Sur ce point-là, les Français n'ont pas de quoi être fiers. Pour mes descendants, je m'inquiète. Comment veux-tu qu'ils respectent un pays qui les rejette et qui depuis des années leur famille maltraite? Avoue qu'il y a de quoi être rancunier, mais sache que je ne veux rien de pécunier. Si tout ça ne s'était pas passé, mon choix se serait quand même fait. La France rigole quand elle voit ça. Une éducation et une culture m'ont été inculquées. Par respect, par attachement à mes origines, je poursuivrai la continuité. Contrairement à certains, j'ai de la mémoire et pas être censé. Dans mon armoire, tu trouveras mes papiers français. Pour eux, je ne le suis pas, une évidence que chaque jour je palpe. En équilibre sur un fil nommé frontière, le cœur qui penche pour l'autre côté des Alpes. Même si aucun des deux flancs ne m'accepte à part entière. Cassés ont du mal à se tenir debout. Beaucoup se sont privés et ont du mal à joindre les deux bouts. Victime de préjugés, copains imprises dans un pays qui a vécu le nazisme. Beaucoup ont le dos cassé et ont du mal à se tenir debout. Beaucoup se sont privés et ont du mal à joindre les deux bouts. Victime de préjugés, copains imprises dans un pays qui a vécu le nazisme. 1999, sous pas le frérot Campello. Nouvelle tuerie dans les curies, cercle fermé. Je vois que rien ne peut avancer, à leurs yeux je suis dangereux. C'est le trou noir. C'est le trou noir.